بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame donc notre troisième cours dans cette série de cours. Les frères, barakallahu fikoum, concernant les groupes qui ont dévié, les groupes qu'on a cités qui ont dévié dans les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a cité Al-Mufawwida. Et donc Al-Mufawwida, ce sont ceux qui vont rejeter le sens. C'est-à-dire que tu lui dis, est-ce que tu as une main? Il va te dire, oui, j'ai une main. Donc tu sais ce que c'est qu'une main? Oui. Tu vas lui dire, ici, là, dans le verset, c'est marqué, mais ces deux mains sont étendues. Il va te dire, non, je ne sais pas c'est quoi les deux mains. Donc tout ce qui concerne Allah, il va te dire, je ne sais pas. Le sens, je ne sais pas. Et donc c'est ça le Mufawwida. Et par contre, Al-Mu'abtila, donc pour bien comprendre la différence entre Al-Mufawwida et Al-Mu'abtila, ceux qui vont rejeter totalement, Al-Mu'abtila, ils vont te dire, Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de visage, Allah ne descend pas, etc., etc., etc. Et donc tout cela, eux, ils vont rejeter ces attributs-là, mais ils ne vont pas rejeter le sens qui est voulu par la main ou par descendre, etc. Ils vont te dire, le sens, on le comprend, mais Allah, il n'a pas ça. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Et donc ça, c'est important de comprendre la différence entre tous ces groupes. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, ceux qui réfléchissent ne peuvent cerner Allah, tabaraka wa ta'ala. Peu importe la réflexion que tu vas avoir, tu ne peux pas savoir comment il est, tu ne peux pas le cerner. Il tient des leçons en méditant sur ces signes, mais ne réfléchissent pas sur la nature de son être. Et donc par rapport à sabarakallahu fikoum, les gens de la sunna, ne demandent pas sur la nature, n'interrogent pas sur la nature de l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment il est? Ils n'interrogent pas sur cela, comme on a vu au cours précédent. Ils ne demandent pas comment. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas ordonné de méditer sur comment il est. Il ne nous a pas demandé dans le Coran de méditer sur comment il est. Car s'il nous avait demandé de méditer sur sa nature à lui, sur comment il est, il nous aurait demandé de faire ce dont nous avons l'incapacité de faire. Car nous ne pouvons pas méditer sur la nature d'Allah, nous ne pouvons pas méditer sur comment il est. Tayyib. Et donc Allah, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas ordonné dans le Coran de méditer sur cela. Cependant, il nous a ordonné de méditer sur ces signes. Les signes qui montrent son unicité, qu'il est le seul à mériter l'adoration, tabaraka wa ta'ala. Et ces signes-là se divisent en deux. Il y a deux types de signes. Il y a les signes qui ont été descendus, les signes révélés, c'est-à-dire les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans la langue arabe, on va utiliser le même mot pour les versets et les signes. Ayat. Et donc, les signes révélés dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc, surat An-Nisa, le verset numéro 82. Et ensuite, dans les deuxièmes signes, ce sont les signes sensoriels. Les signes sensoriels, ce que tu vas voir parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons, ainsi qu'en eux-mêmes. Allah tabaraka wa ta'ala, tous les jours, il nous montre des signes qui montrent sa puissance. dimanche dernier, donc hier. Hier, j'étais sur la route pour venir ici. Donc, je viens du Marigot pour venir ici. Et subhanallah, au moment du coucher du soleil, c'était vraiment beau. Et c'est important, barakallahu fikoum, qu'à chaque fois qu'on voit ces signes, le coucher du soleil, le lever du soleil, etc., toute cette beauté qu'on a ici, qu'on médite sur la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il fait ce qu'il veut et que c'est lui qui mérite l'adoration. Personne d'autre ne fait ça, personne d'autre ne gère cela. Et donc c'est lui qui mérite l'adoration. Pas Jésus ou Marie ou quiconque. C'est le seul à gérer tout cela, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit, l'auteur, il cite le verset que j'ai traduit ici. Ils ne peuvent cerner de sa science que ce qu'il veut. Son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui est difficile en rien, et il est le Très-Haut, le Majestueux. C'est quel verset ça? Ayat al-Kursi. Et donc c'est Ayat al-Kursi. Donc dans Surat al-Baqarah, le verset 255. L'auteur, il nous cite ce verset pour nous montrer qu'on ne peut pas cerner Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas tout savoir. Ça ne sert à rien de chercher à savoir comment Allah est. Dans ce verset, il est cité clairement, ils ne peuvent cerner de sa science que ce qu'il veut. Et on comprend clairement de ce verset que l'être humain, peu importe la science qu'il a, peu importe la science qu'il a, en réalité, il ne connaît que très peu. Il ne connaît que très peu. Il dit, tabaraka wa ta'ala, wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Et certes, on ne vous a accordé que très peu de science. On ne vous a accordé que très peu de science, que très peu de connaissances. Surat al-Isra, le verset numéro 85. Ensuite, à la page d'après, l'auteur qui nous dit, donc, le savant, en parlant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le savant, le parfaitement connaisseur, le gérant, l'omnipotent, l'audient, le clairvoyant, le très haut, le gérant. Et donc, concernant le savant, el-alim, en arabe, el-alim. Ce nom-là, il n'a pas été cité dans le Coran ou dans la Sunna de manière individuelle. Mais il a toujours été cité lié à autre chose. Alimul ghaibi wa shahada. Il n'est pas venu tout seul, al-alim, comme ça. Mais alimul ghaibi wa shahada. Le connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Donc il n'a pas été cité tout seul dans le Coran, ce nom, Al-Alim. Le nom qui a été cité tout seul dans le Coran, c'est Al-Alim, pas Al-Alim. On fait la différence entre Al-Alim, donc la prolongation est après le Aïm, et Al-Alim, la prolongation après le Lam. El-Alim, il a été cité dans le Coran. Cela fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. El-Alim. Mais El-Alim, comme a cité l'auteur, non. Voilà pourquoi ce nom-là ne fait pas partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. El-Alim, que j'ai traduit ici par le savant, ne fait pas partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais tu peux parler d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant qu'il est savant, qu'il est le savant. Mais ne dis pas que c'est un des noms d'Allah. Parce que c'est correct. C'est correct qu'Allah est le savant, le connaisseur. Mais ne dis pas que c'est un des noms d'Allah. Parce que là, il te faudrait une preuve. Ensuite, le nom qu'il cite après, El-Khabir. El-Khabir, que j'ai traduit par le parfaitement connaisseur. El-Khabir. Il faudrait ramener un tableau la prochaine fois, Inch'Allah. Je pense. Parce que c'est bien, on a des frères qui ont évolué dans la langue arabe maintenant et qui veulent noter des noms en arabe. Mashallah. On va évoluer jusqu'à ce qu'on fasse des séminaires qu'en arabe. Bismillah. Inch'Allah ou ta'ala. Et donc, El-Khabir, le parfaitement connaisseur. Et donc, ce qui évolue ici, c'est celui qui connaît toutes choses, même les choses qui sont cachées. Même les choses qui sont cachées. Le nom d'après, que nous cite l'auteur, le gérant. El-Mudabbir. El-Mudabbir. Donc, El-Khabir fait partie des noms d'Allah. Excusez-moi. El-Khabir fait partie des noms d'Allah. El-Mudabbir, donc le gérant, celui qui gère toutes choses, ne fait pas partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit le concernant, il dit Yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard. Surat As-Sajda, le verset 5, il gère le commandement depuis les cieux vers la terre. Il gère le commandement depuis les cieux vers la terre. Yudabbir. Mais il n'a pas cité le nom El-Mudabbir, celui qui gère, le gérant. Donc tu peux parler d'Allah en disant que c'est le gérant, mais ne dis pas que c'est son nom. Mais quand on dit que c'est une partie du nom d'Allah, c'est que c'est pas mentionné dans le Coran. C'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est quoi le gérant? Le gérant, celui qui gère toutes choses. En arabe, El-Mudabbir. El-Mudabbir. El-Mudabbir. Ensuite, il nous dit l'omnipotent. El-Qadir. El-Qadir, celui qui peut faire, celui qui peut tout faire. Le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, El-Qadir fait partie des noms d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'Audient. Oui, oui, ça fait partie des noms d'Allah. Oui. Oui, oui, c'est ça, exactement. L'omnipotent, le tout-puissant, naam. Ensuite, on a l'audient. L'audient, es-samir. Es-samir, donc celui qui entend tout. Celui qui entend tout. Nous ne pouvons rien lui cacher, tabaraka wa ta'ala. Le clairvoyant qui est El-Basir. El-Basir. Et donc celui qui voit tout. Et donc nous affirmons tous les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici l'auteur, il nous a cité quelques noms. Et il nous montre que les gens de la Sunna vont affirmer tous les noms qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné dans le Coran et dans la Sunna. On ne va pas rejeter les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ne rejette pas non plus ses attributs. Nous devons affirmer tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité le concernant dans son livre. Et d'ailleurs, concernant As-Sami'a, concernant As-Sami'a, le fait que Allah il entend tout, on va parler d'une innovation. Hein? Une innovation que on peut trouver parfois dans des enterrements ou autres événements. Parfois tu vas trouver dès qu'il y a un événement ou une conversion. Une personne vient pour se convertir à l'islam. Et donc l'imam appelle la personne à se convertir, il lui explique le shahadatayn, les deux attestations là, Ilallah, Muhammad Rasulullah, la personne se convertit. Une fois qu'elle se convertit, il y a quelqu'un dans la foule, dans la mosquée qui dit Takbir. Et là, tu as tous les musulmans qui font Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ils crient comme ça, les gens. Est-ce que les compagnons, ils ont fait ça? Parfois, les gens vont faire ça à un enterrement ou autre. Peu importe l'événement. Et donc, concernant cela, barakallahu fikoum, Al-Bukhari et Muslim, ils citent dans leur recueil As-Sahihayn. Ja'ala as-sahabatu yarfa'una aswatahum bit-takbir. Les compagnons se mirent à élever la voix en prononçant le takbir, en disant Allahu Akbar. Les compagnons ont commencé à élever la voix. Allahu Akbar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Irba'u ala anfusikum. Baissez la voix, doucement. Innakum la tad'una samman wala ghaiban. Vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Tad'una samian basiran qariban. Mais vous adorez un Seigneur qui est samir, audient, il entend tout. Basir, il voit tout, clairvoyant. Qarib, il est proche. Et donc tu veux invoquer Allah Azzawajal, tu n'as pas besoin de crier Allah. Tu n'as pas besoin. Allah Azzawajal, il entend toutes choses. Tabaraka wa ta'ala. Et donc ce takbir et tout le monde crie, barakallahu fikoum. Inch'Allah, on ne va pas trouver. Je ne l'ai pas encore vu ici en Martinique. Non, je n'ai pas vu en Martinique. À l'enterrement ? Alhamdoulilah, je n'étais pas là. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est important de comprendre, barakallahu fikoum les frères, que parfois, par ignorance, on va introduire dans la religion comme ça ce qui n'en fait pas partie. C'est pour cela que c'est important d'apprendre. Non. Mais ça, c'est pas interdit. On a pensé pas. Le prophète, il a interdit aux compagnons. Ah, d'accord. D'accord. Donc c'est important, barakallahu fikoum, mais c'est en apprenant qu'on apprend, qu'on comprend petit à petit ce genre de choses. Ensuite, l'auteur qui nous dit, naam, on a des questions. Ça me marche un peu. Oui. Là, tu peux peut-être dire, attaquer au moulin, c'est interdit. C'est le fait de doser la voix. En fait, les deux, puisque celui qui va dire takbir, qu'est-ce qu'il veut par là? Quand tu vas dire takbir, ça veut dire quoi takbir? Takbir, ça veut dire dites Allahu Akbar, c'est ça qui est voulu aussi. D'accord? Et donc c'est ça, lui, la personne qui va dire takbir, va appeler les autres à élever la voix en disant Allahu Akbar. Alors qu'il n'y a pas d'éléments qui nous appellent à faire ça. Lorsque les gens venaient se convertir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce genre d'acte d'adoration ne nous a pas été rapporté. Il ne nous a pas été rapporté donc que les compagnons, dès qu'il y avait un converti, ils criaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, etc. Comme les gens peuvent le faire aujourd'hui dans certaines mosquées. Fayyub, naam. C'est une innovation, une bid'a. Non. Mais est-ce que c'est bid'a une innovation ou c'est interdit ou c'est les deux bid'a et innovation en fait, la... Alors, une innovation, une bid'a, c'est interdit. C'est une invention. Donc c'est une invention dans la religion. C'est le fait d'introduire dans la religion ce qui n'en fait pas partie. On a déjà vu la définition d'une innovation. Qui me rappelle la définition d'une innovation? Mustapha est sourit. Il sait que ce jour-là, il n'a pas noté. Tu vas le noter là? Non, je dis que tu viens de le dire. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas donné de définition d'une innovation. Tu viens de dire la traduction de produire. Non. C'est pas ça? Non. C'est pas ça? Alors, imaginons maintenant, est-ce que si tu fais une innovation maintenant, mais que ce n'est pas toi qui as introduit cette innovation, quelqu'un l'a introduit avant toi, on va dire que c'est une innovation, pourtant ce n'est pas toi qui l'as introduit. C'est quoi une innovation? On a déjà cité, on a cité, recité la définition. Non, ça peut. L'innovation peut être du shirk. Hein. Il y a des, Il y a des innovations qui sont du shirk et d'autres innovations qui ne sont pas du shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on rajoute quelque chose, c'est une bid'ah. Et donc la bid'ah, c'est dans la langue arabe, et taqarrubu ilallahi bima lam yashra'u. Ça, c'est une définition très simple. Le fait d'adorer Allah par un moyen qu'il n'a pas légiféré. Notez s'il vous plaît la définition de l'innovation. L'innovation, le fait d'adorer Allah par un moyen qu'il n'a pas légiféré. Tu ne vas pas le trouver dans le Coran, tu ne vas pas le trouver dans la Sunna. La personne, elle vient, elle fait quelque chose qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la Sunna. Et il se peut que cette chose soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et on va quand même dire que c'est une bida. Et donc la bida, l'innovation, le fait d'adorer Allah avec par un moyen qu'il n'a pas légiféré. Le fait d'adorer Allah par un moyen qu'il n'a pas légiféré. Est-ce que c'est possible qu'une innovation soit citée dans le Coran ou dans la Sunna? Oui. Parce qu'il se peut qu'une personne prenne quelque chose qui est dans le Coran ou dans la Sunna, mais qu'elle utilise cette chose qui est dans le Coran ou dans la Sunna pour une autre raison que la raison pour laquelle cette chose a été révélée. Exemple. Un frère se marie. Il nous invite à son mariage. On vient à son mariage. Et là, pour le mariage, ils nous disent « Ah oui, il faut réciter Al-Fatiha. » Il faut réciter Al-Fatiha. Tu vas dire « Ah non, c'est une bida. » On va te dire « Comment ça, Al-Fatiha, c'est une bida ?» Al-Fatiha, la première sourate du Coran, c'est une bida. Tu vas dire « C'est pas la Fatiha qui est une bida. » C'est le fait d'utiliser la Fatiha en ouverture d'un mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé la Fatiha en ouverture d'un mariage. Pourquoi est-ce que nous on a pris cette habitude? À chaque fois qu'il y a un mariage, il faut réciter le Fatiha. À chaque fois qu'il y a un mariage, elle Fatiha. C'est pour ça que le conseil que je vous donne, si un jour ça vous arrive pour ceux qui ne sont pas encore mariés, si un jour on vous dit il faut réciter la Fatiha, tu dis alors à ce moment-là on prend les cinq sourates qui sont derrière avec. On prend la Fatiha et les cinq derrière avec. Allez, bismillah. Là, tu vas voir, les gens vont se décourager tout de suite parce qu'ils ont faim, le mariage est à l'amour. On a déjà l'odeur de la nourriture qui arrive. Hein? Donc, barakallahu fikoum, c'est important. Donc, parfois, dans l'innovation, la personne va utiliser un élément qui est légiféré pour une autre raison que ce pourquoi cet élément a été légiféré. Et du coup, ça devient interdit. Ça devient interdit parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit les innovations et il disait, tous les vendredis, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, ou très souvent les vendredis, il disait à ses compagnons, « Toute innovation est un égarement. »« Kullu bida'atin dalala. » Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu. Et donc, il faut éviter les innovations dans la religion. Pour finir ce cours, « Bi'idnillahi ta'ala. » L'auteur qui nous dit, après cela, le Très-Haut. Le Très-Haut, donc c'est un sujet qu'on verra bi'idnillah par la suite. Le Très-Haut, c'est un point important. El-Ali, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, El-Ali. Les gens de la Sunna affirment que Allah tabaraka wa ta'ala est le Très-Haut. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Il est au-dessus de tous dans trois points. Et nous affirmons les trois. Il est au-dessus de tous par son être. Par son être, il s'est établi sur son trône au-dessus de toutes ses créatures. Ça, les gens de l'innovation, ils le rejettent. Ils disent que Allah, il n'est pas établi sur son trône. Allah, on ne peut pas dire qu'il est au-dessus des cieux, etc. Ça, ils le rejettent. Et donc la deuxième forme, c'est le fait que Allah est au-dessus de tous par son rang, el-qadr, ulou al-qadr, par son rang. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui détient toutes choses. Et c'est celui que les croyants vont le plus aimer. Les croyants n'aiment personne, ils n'aiment rien plus que Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est au-dessus de tout par son rang, tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il est au-dessus de tout par el-qahr, c'est-à-dire sa puissance, son autorité, le fait que toutes ses créatures sont soumises à lui. Toutes ses créatures sont soumises à lui. Et donc les gens de la sunna, ils vont affirmer ces trois formes d'élévation, si je puis dire. Le fait que Allah est au-dessus de tout. Les gens de la sunna. Mais les gens de l'innovation, ils vont te dire El-Ali, Allah, donc, qui est le Tout-Puissant, nous sommes tous soumis à lui. Et donc ils vont affirmer un genre. Ils vont affirmer le fait que tout appartient à Allah et que c'est celui que nous aimons le plus. Ils vont affirmer le deuxième genre, le fait que Allah est au-dessus de tout par son rang. Mais ils ne vont pas affirmer le fait que Allah est au-dessus de tout par son être. Parce que pour certains innovateurs, Allah est partout. Pour d'autres innovateurs, Allah n'est nulle part. On n'a pas le droit de dire qu'il est quelque part, etc., etc. Et donc le fait de dire qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des cieux, pour eux, ça, ce n'est pas permis. Pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala le dit clairement dans son livre. Il le dit clairement dans son livre, comme on le verra. Bi'inillah ta'ala, dans les prochaines leçons, on va arrêter là. Ah non, après on a El-Kibir, excusez-moi. El-Kibir, donc le grand, le fait que Allah est plus grand que toute chose. Et d'ailleurs, c'est le sens de Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Hein? Et ça, c'est important. On va bientôt prier Salat al-Maghrib. C'est important lorsque tu commences ta salat, que tu dis Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah est plus grand que tout. Et vu qu'il est plus grand que tout, je délaisse tout derrière moi. Je ne vais pas commencer à prier, à penser à mon commerce. Combien j'ai gagné aujourd'hui? Combien j'ai perdu d'argent aujourd'hui? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Et la famille? Et si, et ça, non, Allah est plus grand que tout. Je ne pense qu'à lui là maintenant. D'accord? C'est important ça, jazakumullah khairan. Waffaq Allah al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan.